Bonjour, messieurs, dames. Que nous sommes roumains. Nous sommes venus de la Roumanie à pied, à cheval, avec notre famille sur le dos. Nous allons vous interpréter une chanson. Vous pouvez donner une pièce, un ticket restaurant, ou même un fruit, ou même du travail, ou qu'est-ce que vous voulez. Merci, messieurs, dames. Strangers in the night. Doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie. S'il vous plaît, messieurs dames. Merci, monsieur. S'il vous plaît, messieurs dames. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs dames. The strangers in the night. S'il vous plaît. Merci. Merci, messieurs dames.